Section 21 de Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire, quatrième partie, suite. Quelques mouvements paraissent avoir eu lieu dans la Judée sous les empereurs Antonin, Septime Sévère et Caracalla. Jérusalem, devenue païenne dans ses vieilles années, reconnut enfin le Dieu qu'elle avait rejeté. Constantin et sa mère renversèrent les idoles élevées sur le sépulcre du Sauveur et consacrèrent les saints lieux par des édifices qu'on y voit encore. Ce fut en vain que Julien, 37 ans après, rassembla les Juifs à Jérusalem pour y rebâtir le temple. Les hommes travaillaient à cet ouvrage avec des hottes, des bêches et des pelles d'argent. Les femmes emportaient la terre dans le pan de leurs plus belles robes, mais des globes de feu sortant des fondements à demi creusés dispersèrent les ouvriers et ne permirent pas d'achever l'entreprise. Nous trouvons une révolte de Juifs sous Justinien, l'an 501 de Jésus-Christ. Ce fut aussi sous cet empereur que l'église de Jérusalem fut élevée à la dignité patriarcale. Toujours destinée à lutter contre l'idolâtrie et à vaincre les fausses religions, Jérusalem fut prise par Chosroès, roi des Perses, l'an 613 de Jésus-Christ. Les Juifs répandus dans la Judée achetèrent de ce prince 90 000 prisonniers de chrétiens et les égorgèrent. Héraclius bâtit Chosroès en 627, reconquit la vraie croix que le roi des Perses avait enlevée et la reporta à Jérusalem. 9 ans après, le calife Omar, troisième successeur de Mahomet, s'empara de Jérusalem après l'avoir assiégée pendant 4 mois. La Palestine ainsi que l'Égypte passa sous le joug du vainqueur. Omar fut assassiné à Jérusalem en 643. L'établissement de plusieurs califats en Arabie et en Syrie, la chute de la dynastie des Omeyyades et l'élévation de celle des Abbassides remplirent la Judée de troubles et de malheurs pendant plus de 200 ans. Ahmed, turc toulounide, qui, de gouverneur de l'Égypte, en était devenu le souverain, fit la conquête de Jérusalem en 868. Mais son fils, ayant été défait par les califes de Bagdad, la cité sainte retourna sous la puissance de ses califes, l'an 905 de notre ère. Un nouveau turc nommé Mahomed Ikhshid, s'étant à son tour emparé de l'Égypte, porta ses armes au dehors et soumit Jérusalem l'an 936 de Jésus-Christ. Les Fatimites, sortis des sables de Cyrène en 968, chassèrent les Ikhshidites de l'Égypte et conquirent plusieurs villes de la Palestine. Un autre turc, du nom d'Ortok, favorisé par les Seljoucides d'Alep, se rendit maître de Jérusalem en 984, et ses enfants y régnèrent après lui. Mostali, calife d'Égypte, obligea les Ortokides à sortir de Jérusalem. Hakem ou Hekem, successeur d'Aziz, second calife fatimite, persécuta les chrétiens à Jérusalem vers l'an 996, comme je l'ai déjà raconté en parlant de l'église du Saint-Sépulcre. Ce calife mourut en 1021. Melesshah, turc seljoucide, prit la sainte cité en 1076 et fit ravager tout le pays. Les Ortokides, qui avaient été chassés de Jérusalem par le calife Mostali, y rentrèrent et s'y maintinrent contre Redouane, prince d'Alep. Mais ils en furent expulsés de nouveau par les Fatimites en 1076. Ceux-ci régnaient encore lorsque les croisés parurent sur les frontières de la Palestine. Les écrivains du XVIIIe siècle se sont plu à représenter les croisades sous un jour odieux. J'ai réclamé un des premiers contre cette ignorance ou cette injustice. Les croisades ne furent des folies, comme on affectait de les appeler, ni dans leurs principes, ni dans leurs résultats. Les chrétiens n'étaient point les agresseurs. Si les sujets d'Omar partaient de Jérusalem, après avoir fait le tour de l'Afrique, fondirent sur la Sicile, sur l'Espagne, sur la France même, où Charles Martel les extermina, pourquoi les sujets de Philippe Ier, sortis de la France, n'auraient-ils pas fait le tour de l'Asie pour se venger des descendants d'Omar jusque dans Jérusalem? C'est un grand spectacle, sans doute, que ces deux armées de l'Europe et de l'Asie, marchant en sens contraire autour de la Méditerranée, et venant, chacune sous la bannière de sa religion, attaquer Mahomet et Jésus-Christ au milieu de leurs adorateurs. N'apercevoir dans les croisades que des pèlerins armés qui courent délivrer un tombeau en Palestine, c'est montrer une vue très bornée en histoire. Il s'agissait non seulement de la délivrance de ce tombeau sacré, mais encore de savoir qui devait l'emporter sur la terre, ou d'un culte ennemi de la civilisation, favorable par système à l'ignorance, au despotisme, à l'esclavage, ou d'un culte qui a fait revivre chez les modernes le génie de la docte antiquité et aboli la servitude. Il suffit de lire le discours du pape Urbain II au concile de Clermont pour se convaincre que les chefs de ces entreprises guerrières n'avaient pas les petites idées qu'on leur suppose et qu'ils pensaient à sauver le monde d'une inondation de nouveaux barbares. L'esprit du mahométisme est la persécution et la conquête. L'évangile, au contraire, ne prêche que la tolérance et la paix. Aussi les chrétiens supportèrent-ils pendant 764 ans tous les maux que le fanatisme des sarrasins leur voulut faire souffrir. Ils tâchèrent seulement d'intéresser en leur faveur Charlemagne. Mais ni les Espagnes soumises, ni la France envahie, ni la Grèce et les deux Siciles ravagées, ni l'Afrique entière tombée dans les fers, ne purent déterminer pendant près de 8 siècles les chrétiens à prendre les armes. Si enfin les cris de tant de victimes égorgées en Orient, si les progrès des barbares, déjà aux portes de Constantinople, réveillèrent la chrétienté et la firent courir à sa propre défense, qui oserait dire que la cause des guerres sacrées fut injuste? Où en serions-nous si nos pères n'eussent repoussé la force par la force? Que l'on contemple la Grèce et l'on apprendra ce que devient un peuple sous le joug des musulmans. Ceux qui s'applaudissent tant aujourd'hui du progrès des Lumières auraient-ils donc voulu voir régner parmi nous une religion qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, qui se fait un mérite de fouler aux pieds des hommes et de mépriser souverainement les lettres et les arts? Les croisades, en affaiblissant les hordes mahométanes au centre même de l'Asie, nous ont empêchés de devenir la proie des Turcs et des Arabes. Elles ont fait plus. Elles nous ont sauvés de nos propres révolutions. Elles ont suspendu par la paix de Dieu nos guerres intestines. Elles ont ouvert une issue à cet excès de population qui tôt ou tard cause la ruine des États. Remarque que le père Mainbourg a faite et que M. de Bonald a développée. Quant aux autres résultats des croisades, on commence à convenir que ces entreprises guerrières ont été favorables au progrès des lettres et de la civilisation. Robertson a parfaitement traité ce sujet dans son Histoire du commerce des anciens aux Indes orientales. J'ajouterai qu'il ne faut pas, dans ses calculs, omettre la renommée que les armes européennes ont obtenue dans les expéditions d'outre-mer. Le temps de ces expéditions est le temps héroïque de notre histoire. C'est celui qui a donné naissance à notre poésie épique. Tout ce qui répond du merveilleux sur une nation ne doit point être méprisé par cette nation même. On voudrait en vain se le dissimuler. Il y a quelque chose dans notre cœur qui nous fait aimer la gloire. L'homme ne se compose pas absolument de calculs positifs pour son bien et pour son mal. Ce serait trop le ravaler. C'est en entretenant les Romains de l'éternité de leur ville qu'on les a menés à la conquête du monde et qu'on leur a fait laisser dans l'histoire un nom éternel. Godefroy parut donc sur les frontières de la Palestine l'an 1099 de Jésus-Christ. Il était entouré de Baudouin, d'Eustache, de Tancrède, de Raymond de Toulouse, des comtes de Flandre et de Normandie, de Léthold, qui sauta le premier sur les murs de Jérusalem, de Guichard, déjà célèbre pour avoir coupé un lion par la moitié, de Gaston de Foix, de Gérard de Roussillon, de Rimbaud d'Orange, de Saint-Paul, de Lambert, Pierre l'ermite marchait avec son bâton de pèlerin à la tête de ses chevaliers. Ils s'emparèrent d'abord de Rama, ils entrèrent ensuite dans Emmaüs, tandis que Tancrède et Baudouin de Bourg pénétraient à Bethléem. Jérusalem fut bientôt assiégée, et l'étendard de la croix flotta sur ses murs un vendredi 15 et selon d'autres 12 de juillet 1099 à 3 heures de l'après-midi. Je parlerai du siège de cette ville lorsque j'examinerai le théâtre de la Jérusalem délivrée. Godefroy fut élu par ses frères d'armes, roi de la cité conquise. C'était le temps où de simples chevaliers sautaient de la brèche sur le trône. Le casque apprend à porter le diadème, et la main blessée qui mania la pique s'enveloppe noblement dans la pourpre. Godefroy refusa de mettre sur sa tête la couronne brillante qu'on lui offrait. Ne voulant point, dit-il, porter une couronne d'or où Jésus-Christ avait porté une couronne d'épines. Naplouse ouvrit ses portes. L'armée du Soudan d'Égypte fut battue à Ascalon. Robert, moine, pour peindre la défaite de cette armée, se sert précisément de la comparaison employée par J.B. Rousseau, comparaison d'ailleurs empruntée à la Bible. La Palestine, enfin, après tant de ravages, vit fuir ses ennemis comme on voit les nuages, dans le vague désert, fuir devant l'Aquilon. Il est probable que Godefroy mourut à Jaffa, dont il avait fait relever les murs. Il eut pour successeur Baudouin, son frère, comte d'Édesse. Celui-ci expira au milieu de ses victoires et laissa en 1118 le royaume à Baudouin Dubourg, son neveu. Mélisandre, fille aînée de Baudouin II, épousa Foulque d'Anjou et porta le royaume de Jérusalem dans la maison de son mari vers l'an 1130. Foulque étant mort d'une chute de cheval en 1140, son fils Baudouin III lui succéda. La deuxième croisade prêchée par saint Bernard, conduite par Louis VII et par l'empereur Conrad, eut lieu sous le règne de Baudouin III. Après avoir occupé le trône pendant 20 ans, Baudouin laissa la couronne à son frère, Amaury, qui la porta 11 années. Amaury eut pour successeur son fils, Baudouin, quatrième du nom. On vit alors paraître Saladin, qui, battu d'abord et ensuite victorieux, finit par arracher les lieux saints à leur nouveau maître. Baudouin avait donné sa sœur Sibylle, veuve de Guillaume Longue-Épée, en mariage à Guy de Lusignan. Les grands du royaume, jaloux de ce choix, se divisèrent. Baudouin IV, ayant fini ses jours en 1184, eut pour héritier son neveu, Baudouin V, fils de Sibylle et de Guillaume Longue-Épée. Le jeune roi, qui n'avait que 8 ans, succomba en 1186 sous une violente maladie. Sa mère, Sibylle, fit donner la couronne à Guy de Lusignan, son second mari. Le comte de Tripoli trahit le nouveau monarque qui tomba entre les mains de Saladin à la bataille de Tibériade. Après avoir achevé la conquête des villes maritimes de la Palestine, le Soudan assiégea Jérusalem. Il la prit l'an 1188 de notre ère. Chaque homme fut obligé de donner pour rançon 10 besants d'or. 14 000 habitants demeurèrent esclaves, faute de pouvoir payer cette somme. Saladin ne voulut point entrer dans la mosquée du temple, convertie en église par les chrétiens, sans en avoir fait laver les murs avec de l'eau de rose. 500 chameaux, dit Sanute, suffirent à peine pour porter toute l'eau de rose employée dans cette occasion. Ce conte est digne de l'Orient. Les soldats de Saladin abattirent une croix d'or qui s'élevait au-dessus du temple, la traînèrent par les rues jusqu'au sommet de la montagne de Sion, où ils la brisèrent. Une seule église fut épargnée, et ce fut l'église du Saint-Sépulcre. Les Syriens la rachetèrent pour une grosse somme d'argent. La couronne de ce royaume, à demi perdue, passa à Isabelle, fille d'Amaury Ier, sœur de Sibylle décédée, et femme d'Euphroy de Turenne. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion arrivèrent trop tard pour sauver la ville sainte, mais ils prirent Ptolémaïs ou Saint-Jean d'Acre. La valeur de Richard fut si renommée que, longtemps après la mort de ce prince, quand un cheval tressaillait sans cause, les Sarrasins disaient qu'il avait vu l'ombre de Richard. Saladin mourut peu de temps après la prise de Ptolémaïs. Il ordonna que l'on portât un linceul au bout d'une lance le jour de ses funérailles, et qu'un héros cria à haute voix « Saladin, dompteur de l'Asie, de toutes les richesses qu'il a conquises, n'emporte que ce linceul. » Richard, rival de gloire de Saladin, après avoir quitté la Palestine, vint se faire renfermer dans une tour en Allemagne. Sa prison donna lieu à des aventures que l'histoire a rejetées, mais que les troubadours ont conservées dans leurs ballades. L'an 1242, l'émir de Damas, Saleh Ismaël, qui faisait la guerre à Nejmeddin, Soudan d'Égypte, et qui était entré dans Jérusalem, remit cette ville entre les mains des princes latins. Le Soudan envoya les Charismiens assiéger la capitale de la Judée. Ils la reprirent et en massacrèrent tous les habitants. Ils la pillèrent encore une fois l'année suivante, avant de la rendre au Soudan Saleh Ayoub, successeur de Nejmédine. Pendant le cours de ces événements, la couronne de Jérusalem avait passé d'Isabelle à Henri, comte de Champagne, son nouvel époux, et de celui-ci à Amaury, frère de Lusignan, qui épousa en quatrième noce la même Isabelle. Il en eut un fils qui mourut en bas âge. Marie, fille d'Isabelle et de son premier mari Conrad, marquis de Montferrat, devint l'héritière d'un royaume imaginaire. Jean, comte de Brienne, épousa Marie. Il en eut une fille, Isabelle Yolande, mariée depuis à l'empereur Frédéric II. Celui-ci, arrivé à Tyr, fit la paix avec le Soudan d'Égypte. Les conditions du traité furent que Jérusalem serait partagée entre les chrétiens et les musulmans. Frédéric II vint en conséquence prendre la couronne de Godefroy sur l'autel du Saint-Sépulcre, la mit sur sa tête et repassa bientôt en Europe. Il est probable que les Sarrasins ne tinrent pas les engagements qu'ils avaient pris avec Frédéric, puisque nous voyons 20 ans après, en 1242, Nejmédine saccager Jérusalem, comme je l'ai dit plus haut. Saint-Louis arrive en Orient 7 ans après ce dernier malheur. Il est remarquable que ce prince, prisonnier en Égypte, vit massacrer sous ses yeux les derniers héritiers de la famille de Saladin. Il est certain que les Mamelouks, Baharites, après avoir trempé leurs mains dans le sang de leur maître, eurent un moment la pensée de briser les fers de Saint-Louis et de faire de leurs prisonniers leur Soudan, tant ils avaient été frappés de ses vertus. Saint-Louis dit au sire de Joinville qu'il eût accepté cette couronne si les infidèles la lui avaient décernée. Rien peut-être ne fait mieux connaître ce prince, qui n'avait pas moins de grandeur d'âme que de piété, et en qui la religion n'excluait point les pensées royales. Les Mamelouks changèrent de sentiment. Moaz, Hamansor Nouradin Ali, Sefeidin Motfar succédèrent tour à tour au trône d'Égypte, et le fameux Bibar Bondok Dari devint Soudan en 1263. Il ravagea la partie de la Palestine qui n'était pas soumise à ses armes et fit réparer Jérusalem. Kelaoun, héritier de Bondok Dari en 1281, poussa les chrétiens de place en place, et Khalil, son fils, leur enleva Tyr et Ptolémaïs. Enfin, en 1291, ils furent entièrement chassés de la Terre Sainte, après s'être maintenus 192 ans dans leur conquête et après avoir régné 88 ans à Jérusalem. Le 20 titre de roi de Jérusalem fut transporté dans la maison de Sicile par le frère de Saint-Louis, Charles, comte de Provence et d'Anjou, qui réunit sur sa tête les droits du roi de Chypre et de la princesse Marie, fille de Frédéric, prince d'Antioche. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenus les chevaliers de Rhodes et de Malte, les chevaliers teutoniques, conquérants du nord de l'Europe et fondateurs du royaume de Prusse, sont aujourd'hui les seuls restes de ces croisés qui firent trembler l'Afrique et l'Asie et occupèrent les trônes de Jérusalem, de Chypre et de Constantinople. Il y a encore des personnes qui se persuadent, sur l'autorité de quelques plaisanteries usées, que le royaume de Jérusalem était un misérable petit vallon, peu digne du nom pompeux dont on l'avait décoré. C'était un très vaste et très grand pays. L'écriture entière, les auteurs païens comme Hécatée d'Adbert, Théophraste, Strabon même, Pausanias, Galien, Dioscoride, Pline, Tacite, Solon, Ammien Marcellin, les écrivains juifs tels que Joseph, les compilateurs du Talmud et de la Mishnah, les historiens et les géographes arabes, Massoudi, Ibn Aoukal, Ibn El-Quadi, Abdullah, Aboulfeda, Edrissi, etc. Les voyageurs en Palestine, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, rendent unanimement témoignage à la fertilité de la Judée. L'abbé Guéné a discuté ces autorités avec une clarté et une critique admirables. Faudrait-il s'étonner d'ailleurs qu'une terre féconde fût devenue stérile après tant de dévastations ? Jérusalem a été prise et saccagée 17 fois. Des millions d'hommes ont été égorgés dans son enceinte, et ce massacre dure pour ainsi dire encore, nulle autre ville n'a éprouvé un pareil sort. Cette punition, si longue et presque surnaturelle, annonce un crime sans exemple et qu'aucun châtiment ne peut expier. Dans cette contrée, devenue la proie du fer et de la flamme, les champs incultes ont perdu la fécondité qu'ils devaient aux sueurs de l'homme. Les sources ont été ensevelies sous des éboulements. La terre des montagnes, n'étant plus soutenue par l'industrie du vigneron, a été entraînée au fond des vallées, et les collines, jadis couvertes de bois de sycomore, n'ont plus offert que des sommets arides. Les chrétiens ayant donc perdu ce royaume en 1291, les Soudans Baharites demeurèrent en possession de leur conquête jusqu'en 1382. À cette époque, les Mamelouks circassiens usurpèrent l'autorité en Égypte et donnèrent une nouvelle forme de gouvernement à la Palestine. Si les Soudans circassiens sont ceux qui avaient établi une poste aux pigeons et des relais pour apporter au Caire la neige du mont Liban, il faut convenir que, pour des barbares, ils connaissaient assez bien les agréments de la vie. Sélim mit fin à tant de révolutions en s'emparant, en 1716, de l'Égypte et de la Syrie. C'est cette Jérusalem des Turcs, cette 17e ombre de la Jérusalem primitive, que nous allons maintenant examiner. En sortant du couvent, nous nous rendîmes à la citadelle. On ne permettait autrefois à personne de la visiter. Aujourd'hui qu'elle est en ruine, on y entre pour quelques piastres. D'Anville prouve que ce château, appelé par les chrétiens le château ou la tour des Pisans, est bâti sur les ruines de l'ancien château de David, et qu'il occupe la place de la tour Pséphina. Il n'a rien de remarquable, c'est une forteresse gothique, telle qu'il en existe partout, avec des cours intérieures, des fossés, des chemins couverts, etc. On me montra une salle abandonnée, remplie de vieux casques. Quelques-uns de ces casques avaient la forme d'un bonnet égyptien. Je remarquai encore des tubes de fer, de la longueur et de la grosseur d'un canon de fusil, dont j'ignore l'usage. Je m'étais intrigué secrètement pour acheter deux ou trois de ces antiquailles. Je ne sais plus quel hasard fit manquer ma négociation. Le donjon du château découvre Jérusalem du couchant à l'Orient, comme le mont des Oliviers la voie de l'Orient au couchant. Le paysage qui environne la ville est affreux. Ce sont de toutes parts des montagnes nues, arrondies à leur cime ou terminées en plateau. Plusieurs d'entre elles, à de grandes distances, portent des ruines de tours ou des mosquées délabrées. Ces montagnes ne sont pas tellement serrées qu'elles ne présentent des intervalles par où l'œil va chercher d'autres perspectives, mais ces ouvertures ne laissent voir que d'arrière-plans de rochers aussi arides que les premiers plans. Ce fut du haut de la tour de David que le roi prophète découvrit Bethsabée se baignant dans les jardins d'Uri. La passion qu'il conçut pour cette femme lui inspira dans la suite ces magnifiques psaumes de la pénitence. « Seigneur, ne me reprenez point dans votre fureur et ne me châtiez pas dans votre colère. Ayez pitié de moi selon l'étendue de votre miséricorde. Mes jours se sont évanouis comme la fumée. Je suis devenu semblable aux pélicans des déserts. Seigneur, je crie vers vous du fond de l'abîme, etc. » On ignore pourquoi le château de Jérusalem porte le nom de « château des Pisans ». D'Anville, qui forme à ce sujet diverses conjectures, a laissé échapper un passage de Belon assez curieux. Il convient à un chacun qui veut entrer au sépulcre, bailler 9 ducats, et ni à personne qui en soit exempt, ne pauvre, ne riche. Ainsi, celui qui a prince la gabelle du sépulcre à ferme, paye 8000 ducats au Seigneur, qui est la cause pourquoi les rentiers rançonnent les pèlerins, ou bien ils n'y entreront point. Les cordeliers et les caloyers grecs et autres manières de religieux chrétiens ne payent rien pour y rentrer. Les Turcs le gardent en grande révérence et y entrent avec grande dévotion. L'on dit que les Pisans imposèrent cette somme de 9 ducats lorsqu'ils estoient seigneurs en Jérusalem et qu'elle a été ainsi maintenue depuis leur temps. La citadelle des Pisans était gardée, quand je la vis, par une espèce d'aga de minaigre. Il y tenait ses femmes renfermées, et il faisait bien à en juger par l'empressement qu'elle mettait à se montrer dans cette triste ruine. Au reste, je n'aperçus pas un canon, et je ne sais si le recul d'une seule pièce ne ferait pas crouler tous ces vieux créneaux. Nous sortîmes du château après l'avoir examiné pendant une heure. Nous prîmes une rue qui se dirige de l'ouest à l'est et qu'on appelle la rue du Bazar. C'est la grande rue et le beau quartier de Jérusalem. Mais quelle désolation et quelle misère ! N'anticipons pas sur la description générale. Nous ne rencontrions personne, car la plupart des habitants s'étaient retirés dans la montagne à l'arrivée du Pacha. La porte de quelques boutiques abandonnées était ouverte. On aperçoit par cette porte une petite chambre de 7 ou 8 pieds carrés, où le maître, alors en fuite, mange, couche et dort sur la seule natte qui compose son ameublement. À la droite du bazar, entre le temple et le pied de la montagne de Sion, nous entrâmes dans le quartier des Juifs. Ceux-ci, fortifiés par leur misère, avaient bravé l'assaut du Pacha. Ils étaient là, tous en guenilles, assis dans la poussière de Sion, cherchant les insectes qui les dévoraient, et les yeux attachés sur le temple. Le drogman me fit entrer dans une espèce d'école. Je voulus acheter le Pentateuque hébreu, dans lequel un rabbin montrait à lire à un enfant. Mais le rabbin ne voulut jamais me le vendre. On a observé que les Juifs étrangers qui se fixent à Jérusalem vivent peu de temps. Quant à ceux de la Palestine, ils sont si pauvres qu'ils envoient chaque année faire des quêtes parmi leurs frères en Égypte et en Barbarie. J'avais commencé d'assez longues recherches sur l'état des Juifs à Jérusalem, depuis la ruine de cette ville par Titus jusqu'à nos jours. J'étais entré dans une discussion importante touchant la fertilité de la Judée. À la publication des derniers volumes des Mémoires de l'Académie des Inscriptions, j'ai supprimé mon travail. On trouve dans ces volumes 4 mémoires de l'abbé Guéné, qui ne laissent rien à désirer sur les 2 sujets que je me proposais de traiter. Ces mémoires sont de véritables chefs-d'œuvre de clarté, de critique et d'érudition. L'auteur des Lettres de quelques Juifs portugais est un de ces hommes dont les cabales littéraires ont étouffé la renommée durant sa vie, mais dont la réputation croîtra dans la postérité. Je renvoie le lecteur curieux à ces excellents mémoires. Il les trouvera aisément puisqu'ils viennent d'être publiés et qu'ils existent dans une collection qui n'est pas rare. Je n'ai point la prétention de surpasser les maîtres. Je sais jeter au feu le fruit de mes études et reconnaître qu'on a fait mieux que moi. Du quartier des Juifs, nous nous rendîmes à la maison de Pilate, afin d'examiner par une fenêtre la mosquée du Temple. Il est défendu à tout chrétien, sous peine de mort, d'entrer dans le parvis qui environne cette mosquée. Je me réserve à en faire la description lorsque je parlerai des monuments de Jérusalem. À quelque distance du prétoire de Pilate, nous trouvâmes la piscine probatique et le palais d'Hérode. Ce dernier est une ruine dont les fondations appartiennent à l'Antiquité. Un ancien hôpital chrétien, aujourd'hui consacré au soulagement des Turcs, attira notre attention. On nous y montra une immense chaudière appelée la chaudière de Sainte-Hélène. Chaque musulman qui se présentait autrefois à cet hôpital recevait 2 petits pains et des légumes cuits à l'huile. Le vendredi, on ajoutait à cette distribution du riz accommodé au miel ou au raisiné. Tout cela n'a plus lieu. À peine reste-t-il quelques traces de cette charité évangélique dont les émanations s'étaient comme attachées aux murs de cet hôpital. Nous traversâmes de nouveau la ville et, revenant chercher la porte de Sion, Ali Aga me fit monter avec lui sur les murs. Le drogman n'osa pas nous y suivre. Je trouvai quelques vieux canons de 24 ajustés sur des affûts sans roues et placés aux embrasures d'un bastion gothique. Un garde qui fumait sa pipe dans un coin voulut crier. Ali le menaça de le jeter dans le fossé s'il ne se taisait. Et il se tut. Je lui donnai une piastre. Les murs de Jérusalem, dont j'ai fait 3 fois le tour à pied, présentent 4 faces aux 4 vents. Ils forment un carré long, dont le grand côté court d'Orient en Occident, 2 pointes de la boussole au midi. Danville a prouvé par les mesures et les positions locales que l'ancienne Jérusalem n'était pas beaucoup plus vaste que la moderne. Elle occupait quasi le même emplacement, si ce n'est qu'elle enfermait toute la montagne de Sion et qu'elle laissait dehors le calvaire. On ne doit pas prendre à la lettre le texte de Joseph, lorsque cet historien assure que les murs de la cité s'avançaient au nord jusqu'au sépulcre des rois. Le nombre des stades s'y oppose. D'ailleurs, on pourrait dire encore que les murailles touchent aujourd'hui à ces sépulcres, car elles n'en sont pas éloignées de 500 pas. Le mur d'enceinte qui existe aujourd'hui est l'ouvrage de Soliman, fils de Selim, comme le prouvent les inscriptions turques placées dans ce mur. On prétend que le dessein de Soliman était d'enclore la montagne de Sion dans la circonvallation de Jérusalem, et qu'il fit mourir l'architecte pour n'avoir pas suivi ses ordres. Ces murailles, flanquées de tours carrées, peuvent avoir à la plateforme des bastions une trentaine de pieds de largeur et 120 pieds d'élévation. Elles n'ont d'autres fossés que les vallées qui environnent la ville. 6 pièces de 12, tirées à barbette, en poussant seulement quelques gabions, sans ouvrir de tranchées, y feraient dans une nuit une brèche praticable. Mais on sait que les Turcs se défendent très bien derrière un mur par le moyen des épaulements. Jérusalem est dominée de toutes parts. Pour la rendre tenable contre une armée régulière, il faudrait faire de grands ouvrages, avancer à l'ouest et au nord, et bâtir une citadelle sur la montagne des Oliviers. Dans cet amas de décombres qu'on appelle une ville, il a plu aux gens du pays de donner des noms de rues à des passages déserts. Ces divisions sont assez curieuses et méritent d'être rapportées, d'autant plus qu'aucun voyageur n'en a parlé. Toutefois, les pères Roger, Nao, etc. nomment quelques portes en arabe. Je commence par ces dernières. Babel Xalil, la porte du bien-aimé. Elle s'ouvre à l'ouest. On sort par cette porte pour aller à Bethléem, Hébron et Saint-Jean du désert. Nao écrit Bab el Khalil et traduit « porte d'Abraham ». C'est la porte de Jaffa de Dehé, la porte des pèlerins et quelquefois la porte de Damas des autres voyageurs. Bab el Nabi Daoud, la porte du prophète David. Elle est au midi, sur le sommet de la montagne de Sion, presque en face du tombeau de David et du Saint-Cénacle. Nao écrit Bab Sidi Daoud. Elle est nommée porte de Sion par Dehé, Doubdam, Roger, Kotovic, Bénard, etc. Babel Baugrarbe, la porte des Maugrabins ou des Barbaresques. Elle se trouve entre le Levant et le Midi, sur la vallée d'Anon, presque au coin du temple et en regard du village de Siloane. Nao écrit Babel Megarebe. C'est la porte stercuillinaire ou des ordures, par où les Juifs amenèrent Jésus-Christ à Pilate après l'avoir pris au jardin des Oliviers. Babel Darahi, la porte dorée. Elle est au Levant et donne sur le parvis du temple. Les Turcs l'ont murée. Une prédiction leur annonce que les chrétiens prendront un jour la ville par cette porte. On croit que Jésus-Christ entra à Jérusalem par cette même porte le jour des rameaux. Babel Sidi Mariam, la porte de la Sainte Vierge, à l'Orient, vis-à-vis la montagne des Oliviers. Nao l'appelle en arabe Heuta. Toutes les relations de la Terre Sainte la nomment porte de Saint-Étienne ou de Marie, parce qu'elle fut témoin du martyre de Saint-Étienne et qu'elle conduit au sépulcre de la Vierge. Du temps des Juifs, elle se nommait la porte des troupeaux. Balel Zahara, la porte de l'aurore ou du cerceau, Cerchiolino. Elle regarde le septentrion et conduit à la grotte des Lamentations de Jérémie. Les meilleurs plans de Jérusalem s'accordent à nommer cette porte, porte d'Éphraïm ou d'Hérode. Kotovic la supprime et la confond avec la porte de Damas. Il écrit Porta Damaskena, Siwe Ephraim. Mais son plan trop petit et très défectueux ne se peut comparer à celui de Dehé, ni encore moins à celui de Shaw. Le plan du voyage espagnol de Vera est très beau, mais chargé et inexact. Nao ne donne point le nom arabe de la porte d'Ephraim. Il est peut-être le seul voyageur qui l'appelle porte des Turcomans. La porte d'Ephraim et la porte stercoulinaire ou du fumier sont les deux petites portes de Jérusalem. Babel Hamond ou Babel Sham, la porte de la colonne ou de Damas. Elle est tournée vers le nord-ouest et mène au sépulcre des rois à Naplouse ou Sichem, à Saint-Jean d'Acre et à Damas. Nao écrit Babel Hamond. Quand Simon le Cyrénéen rencontra Jésus-Christ chargé de la croix, il venait de la porte de Damas. Les pèlerins entraient anciennement par cette porte. Maintenant, ils entrent par celle de Jaffa ou de Bethléem, d'où il est arrivé qu'on a transporté les noms de la porte de Damas à la porte de Jaffa ou des pèlerins. Cette observation n'a point encore été faite, et je la consigne ici pour expliquer une confusion de lieux qui embarrasse quelquefois dans les récits des voyageurs. Venons maintenant au détail des rues. Les trois principales se nomment Arat, Babel, Hammond, la rue de la Porte de la Colonne. Elle traverse la ville du nord au midi. Soukel Kebis, la rue du Grand Bazar. Elle court du couchant au levant. Arat el Halam, la voie douloureuse. Elle commence à la Porte de la Vierge, passe au prétoire de Pilate et va finir au calvaire. On trouve ensuite cette autre petite rue. Arat el Moulsmin, la rue des Turcs. Arat el Nassara, la rue des Chrétiens. Elle va du Saint-Sépulcre au couvent latin. Arat el Hasman, la rue des Arméniens, au levant du château. Arat el Yud, la rue des Juifs. Les boucheries de la ville sont dans cette rue. Arat Bab Hota, la rue près du temple. Arat el Zahara, mon drogman me traduisait ces mots par strada comparita. Je ne sais trop ce que cela veut dire. Il m'assurait encore que les rebelles et les méchantes gens demeuraient dans cette rue. Arat el Maogarbe, rue des Maugrabins. Ces Maugrabins, comme je l'ai dit, sont les occidentaux ou barbaresques. On compte parmi eux quelques descendants des Maures chassés d'Espagne par Ferdinand et Isabelle. Ces bannis furent reçus dans la ville sainte avec une grande charité. On leur fit bâtir une mosquée. On leur distribue encore aujourd'hui du pain, des fruits et quelques argent. Les héritiers des fiers avancérages, les élégants architectes de l'Alhambra, sont devenus à Jérusalem des portiers qu'on recherche à cause de leur intelligence et des courriers estimés pour leur légèreté. Que diraient Saladin et Richard si, revenant tout à coup au monde, ils trouvaient les chevaliers morts transformés en concierges au Saint-Sépulcre et les chevaliers chrétiens représentés par des frères quêteurs? À l'époque du voyage de Benjamin de Tudèle, c'est-à-dire sous les rois français de Jérusalem, la ville avait trois enceintes de murailles et quatre portes que Benjamin appelle Porta Somnus Abrae, Porta David, Porta Sion, Porta Josaphat. Quant aux trois enceintes, elles ne s'accordent guère avec ce que nous savons du local de Jérusalem lors de la prise de cette ville par Saladin. Benjamin trouva plusieurs Juifs établis dans le quartier de la Tour de David. Ils y avaient le privilège exclusif de la teinture des draps et des laines, moyennant une somme qu'ils payaient tous les ans au roi. Les lecteurs qui voudront comparer la Jérusalem moderne avec la Jérusalem antique peuvent avoir recours à Danville dans sa « Dissertation sur l'ancienne Jérusalem », à Relan et au père Lamy de Sancta Quivitate et Templo. Nous rentrâmes au couvent vers 9 heures. Après avoir déjeuné, j'allais faire une visite au patriarche grec et au patriarche arménien qui m'avaient envoyé saluer par leur drogman. Le couvent grec touche à l'église du Saint-Sépulcre. De la terrasse de ce couvent, on découvre un assez vaste enclos où croissent 2 ou 3 oliviers, un palmier et quelques cyprès. La maison des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem occupait autrefois ce terrain abandonné. Le patriarche grec me parut un très bon homme. Il était dans ce moment aussi tourmenté par le pacha que le gardien de Saint-Sauveur. Nous parlâmes de la Grèce. Je lui demandai s'il possédait quelques manuscrits. On me fit voir des rituels et des traités des pères. Après avoir bu le café et reçu 3 ou 4 chapelets, je passai chez le patriarche arménien. Fin de la section 21.